Évariste Ndiko Banyanga. Jean Dodu et Ndaisenga sur la mise en onde. Bonsoir, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La radio Isanganiro est dotée d'un nouveau directeur à partir de ce mardi 17 octobre. Sylvain Nakartimana mettra en avant une étroite collaboration avec le personnel de ce médium, a-t-il indiqué. Une personne tuée, cinq autres blessés, c'est le bilan d'une explosion d'une grenade dans la nuit de ce lundi à Rougajo, en commune Mugina de la province du Bitoke. Deux personnes criminelles sont déjà dans les mains de la... Deux présumés criminels sont déjà dans les mains de la police, selon le porte-parole de la police burundaise. Le syndicat qu'on appelle se déplore l'augmentation des charges horaires des enseignants par le ministère de l'Éducation sans le consentement des concernés. Le président de ce syndicat, Emmanuel Machandari, demande l'ouverture du dialogue autour de cette question et chronique santé de ce mardi. L'on vous parlera du diabète, une maladie due à l'absence d'insuline dans le sang. Rebonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La radio Isanganiro a un nouveau directeur depuis ce mardi. Sylvain Nakartimana est un ancien journaliste de cette station radio. Il remplace Pascal Nyanghunze qui assurait l'intérim depuis le mois de juillet. Sylvain Nakartimana indique qu'il va essayer de comprendre les défis qui hantent ce média et d'en trouver solution en collaboration avec ses confrères. Comme nouveau directeur, c'est difficile de dire aujourd'hui avec précision, perspective d'avenir, avec précision sur ce que nous devons faire du jour au lendemain. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre le contexte et l'état des lieux dans lequel la radio Isanganiro est en train d'évoluer. À partir de la compréhension de la problématique et des problèmes qui se trouvent dressés sur le chemin de fonctionnement de la radio, il nous sera loisible de travailler avec les confrères pour trouver des solutions ensemble. J'ai confiance aux journalistes, aux travailleurs de la radio Isanganiro qui ont une grande expérience, de connaissances assez suffisantes pour mener à bien le travail qui nous sera demandé d'exécuter ensemble. Je crois que nul ne peut se targuer de dire « je suis la solution moi-même, moi seul ». Je crois que en complémentarité avec les autres, avec les collègues avec qui je suis appelé de travailler au quotidien, nous saurons trouver des solutions à des problèmes qui se dressent devant nous. Parce que après analyse du problème, c'est là où on peut se dire j'ai des solutions à proposer, des solutions plus ou moins adéquates, parce que les problèmes sont bien étudiés. Et je crois que avec eux, en profitant de leur expérience, je crois que nous aurons des énergies tout à fait suffisantes pour mener à bien le travail qui m'est demandé de réaliser aujourd'hui. Sylvain Nakartimana a été au micro de mon confrère Robin Niyonguru. Il revient aux communes le droit d'octroi des marchés publics dans ses entités administratives. Ce sont les propos de Jeanne d'Arc Kagayo, ministre du Développement Communal. Elle précise que le Fonds National pour l'Investissement Communal, FONIC, joue le rôle d'accompagner les communes dans l'élaboration des projets de développement. Elle a dit ce mardi au moment où elle répondait aux questions orales des députés. Thierry Mfayekurela a été à l'hémicycle de Kigobe. Parmi les questions qui ont été au centre des préoccupations des députés, c'est la question en rapport avec le fonctionnement du Fonds national pour l'investissement communal FONIC et le service des marchés publics dans l'accompagnement des projets de développement des communes. Le député Odette Aouniman demande des éclaircissements quant à la collaboration de ces deux institutions et les communes et comment les marchés publics sont organisés au niveau communal. Jeanne d'Arc Kagayo, la ministre du Développement communal, précise que c'est aux communes que revient le droit d'octroi de ces marchés publics. Elle précise qu'il est inconcevable de dire que la commune n'a pas de compétences de donner le marché, alors que c'est elle qui signe le contrat avec le missionnaire gagnant. Elle demande aussi une sensibilisation poussée des administrateurs communaux afin de s'affirmer vu que la loi leur autorise cela. Elle a précisé en outre que les services des marchés publics soient décentralisés au niveau national pour que ce service fasse bien son travail. Jeanne d'Arc Kagayo, la ministre du Développement communal, demande à l'Assemblée nationale que dans le but de maximiser le développement des communes, le budget alloué aux communes soit revu à la hausse et que les dépôts des dossiers des candidatures des marchés publics va de 30 jours à 15 jours pour accélérer les travaux de développement communal. Merci à Thierry Mfayokurera. Page sécurité, un jeune garçon a trouvé la mort dans une attaque à la grenade qui s'est faite dans la nuit de ce lundi dans la zone Rugajo de la commune Mugina dans la province de Chibitoke. D'après des informations du porte-parole de la police nationale, 5 autres personnes ont été blessées et 2 présumés criminels sont déjà arrêtés pour des enquêtes. Poursuivant avec ce journal, environ 70% des Burundais vivent dans la pauvreté selon les études faites par les organisations internationales ainsi que l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, STEBU en sigle. Déclaration faite par le président de la PARSEM, Faustin Ndikumana, s'exprimait lors du lancement ce mardi de la campagne de lutte contre la pauvreté qui va durer 1 mois, et une campagne qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. C'est peut-être une des conséquences de la pauvreté. Un homme du nom de Nirugirimwe Celestin de la colline Nyarurinzi en zone Nebuhayira de la commune Mugui dans la province de Chibitoke vient de passer 3 jours au cachot de cette commune. Il est accusé d'avoir trafiqué sa femme du nom de Naundere Stéphanie à un coût de 100 000 francs burundais. Chiza Joseph, administrateur de la commune Mugui, confirme cette information. Cet administratif précise que c'est cette femme qui a alerté l'administration et la police lorsque les acheteurs venaient la récupérer. C'est ainsi que la police est vite intervenue et a mis la main sur son mari, mais que les acheteurs ont pu prendre le large. Le syndicat des enseignants du secondaire qu'on appelle déplore l'augmentation des charges horaires des enseignants par le ministère de tutelle sans le consentement des concernés. Selon le président de ce syndicat, ce changement complique le travail de l'enseignement et influe négativement sur la qualité de l'enseignement. Emmanuel Machandari demande qu'une culture de dialogue qui a toujours caractérisé le ministère de l'Éducation soit restaurée pour trouver ensemble une solution adaptée. On l'écoute. Il répond aux questions de Joseph Sabiabandi. Avec cette opération de redéploiement, on a constaté qu'aujourd'hui, les enseignants restent entre 18h et 24h par semaine. Malheureusement, avec la rentrée scolaire, on a augmenté d'1 heure et on passe de 36h par semaine à 40h par semaine. Soit un impact au niveau des prestations, d'autant plus qu'on a certains enseignants qui ont plus de 25h d'enseignement par semaine. Autre chose, c'est qu'en plus de cette heure supplémentaire pour faire 8h par jour, on a changé la durée de la séance d'enseignement. On était à 45 minutes, maintenant nous sommes à 50 minutes. Or, le changement du temps scolaire est du ressort d'une ordonnance. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cette ordonnance n'existait pas. C'est pourquoi alors nous observons des désordres où certains établissements sont tentés d'appliquer cette mesure, d'autres pas encore. Est-ce que le problème que vous avez au niveau du CONAPES, c'est le problème de cette ordonnance ministérielle qui n'est pas encore sortie, ou bien c'est ce problème-là de changement du temps scolaire? Le premier problème, d'abord, c'est des respect de la loi. Je vous ai dit que le changement du temps scolaire est du ressort d'une ordonnance. Et si chacun se levait un bon matin et fait ce que bon lui semble, vous voyez que c'est bonjour le désordre. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons un grand problème avec les enfants. Des enfants qui ont quitté la maison 6h du matin, sans rien mettre sous la dent, et qui vont suivre les enseignements jusqu'à 15h, à partir de 12h30, on les voit en train de somnoler, ils ne sont pas en train de suivre. De 2, c'est au niveau des enseignants. Un enseignant qui doit faire 8h par jour, vous voyez que d'abord il s'épuise, deuxièmement, il n'aura pas le temps de préparer, de prester et de corriger les évaluations. C'est pour dire que quelque part, il y a une surcharge pour l'enseignant et avec comme corollaire diminution du rendement. Est-ce que vous avez une piste de solution à ces problèmes que vous évoquez? C'est d'abord de privilégier le dialogue. Comme pour le passé, quand on avait un problème au niveau du primaire, les autorités du ministère nous ont approchés, on s'est assis ensemble et on est parvenu à dégager un temps scolaire consensuel. Il faut quand même aujourd'hui cette culture de dialogue soit rétablie. Éducation toujours, Médé Gahungu, enseignant l'école fondamentale Guiocha, a été redéployé deux fois dans moins de deux mois seulement dans trois directions communales d'enseignement. Cet enseignant demande d'être rétabli dans ses droits en vue de retourner au redéploiement de départ. Contactée à propos Yolande Ndaikengurukiye, la directrice de l'école fondamentale Guiocha, nous a raccroché au nez les détails avec Evra Hafzaliman. J'ai été redéployé pour Bujumbura Rural, en coin un peu reculé. C'est l'enseignant Amédé Gahungu de l'école fondamentale de Guiocha, où il parle des distances et des frais de déplacement pour arriver à son lieu de travail. Cet enseignant s'étonne du fait qu'il a été redéployé deux fois dans moins de deux mois seulement. Je suis ici pour dénoncer les irrégularités observées dans le processus de redéploiement des enseignants dans la mairie de Bujumbura. Et qu'en es-tu registre? Au fait, moi j'étais enseignant dans la commune urbaine de Moua. J'ai été redéployé dans la commune Nahang. Mais après un certain temps, après avoir enseigné dans l'école d'affectation, plus de mois, j'ai vu une autre affiche à l'école Stella Matutina qui m'a redéployé pour la deuxième fois, alors que le deuxième redéploiement n'existait pas. J'ai été redéployé pour Bujumbura Rural, un coin un peu reculé où je pouvais payer autour de 10 000 francs par jour pour accéder au lieu de travail et retourner à la maison. Et quelle a été la motivation de ce deuxième redéploiement? Je n'en sais rien. Moi aussi, j'ai été surpris comme tout le monde, comme d'autres collègues qui sont dans le même cas que moi. Amédé Gahungu de l'école fondamentale de Guiocha demande d'être rétabli dans ses droits. Cet enseignant indique aussi qu'il y a d'autres enseignants qui ont été redéployés injustement, a-t-il ajouté. Je demande de me rendre mes droits, c'est tout. Donc, retourner au redéploiement de départ, c'est-à-dire dans la mairie de Bujumbura. J'ai déjà recensé 4 cas, mais peut-être il y en a d'autres. Quand j'ai déposé la lettre chez le DPI, il y a un certain Dongagara qui a été redéployé injustement lui aussi vers Mouranvia. Il y a un autre qui a été redéployé dans la mairie de Bujumbura, mais sur la périphérie, et moi-même. Contactée à ce sujet, la directrice de l'école fondamentale de Guiocha, Yolande Ndaikengurukiye, a préféré raccrocher son téléphone. Certains habitants de la colline Gasenyi en commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, dont les maisons ont été démolies sur le site où est en train d'être érigé le palais présidentiel, ont observé tôt ce matin un sit-in devant le ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme pour réclamer leurs indemnisations. Ils indiquent qu'ils avaient reçu la promesse du ministre comme quoi les premières pluies n'allaient pas les trouver à la belle étoile. À l'issue d'un entretien avec le secrétaire permanent de son ministère, ces derniers indiquent n'avoir pas été satisfaits. Je vous propose de les écouter. Depuis que nos maisons ont été démolies, nous sommes restés calmes. On n'est pas venu s'assiéger devant le ministère, mais plutôt pour demander au ministre. Il nous avait promis qu'au début de la saison pluvieuse, on aura été rétabli dans nos droits. Le délai qu'il nous a donné a expiré. Nous aimerions savoir où le ministère en est avec cette question, puisque nous vivons dans de mauvaises conditions. Nous avons été accueillis, mais la réponse qu'elle nous a donnée n'est pas satisfaisante, parce que depuis que les maisons ont été démolies, on n'a pas été pris en charge. Rien ne peut nous rendre optimistes si on tient compte de l'entretien qu'on a eu avec lui. Il prétend soumettre la question à ses supérieurs. Il a plutôt émis des souhaits et des suggestions relatifs à l'indemnisation sur les parcelles et nos cultures. On ne peut pas espérer que la question sera bientôt résolue. Nous sommes restés sur notre soif du fait qu'ils nous disent tantôt qu'ils vont se mettre à l'œuvre pour vider cette question, tantôt qu'ils sont à l'œuvre. Depuis la démolition, ça a été la même réponse. Qu'ils sont à l'œuvre, ça fait 7 mois que nous sommes dans la rue. Quand nous venons nous enquérir de l'état d'avancement, c'est toujours la même réponse. Mais jusqu'à l'heure où nous